Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Barry du baron Haussmann. Quand on parle en général de ce qu'a fait Haussmann à Paris, il est à l'origine de ces grands boulevards, qu'il avait une mystique de la ligne droite, c'est-à-dire que pour lui, n'avait jamais trouvé la poésie de la courbe. Donc, quand il traçait un boulevard, tout ce qui se trouvait sur la trajectoire devait être rasé. Ça, c'est au fond l'esthétique. Ça va donner, par exemple, la place de l'Opéra à Paris, ou l'avenue de l'Opéra, d'un côté le Palais Royal, de l'autre l'Opéra. Et on pourrait trouver comme ça un très grand nombre d'exemples, parce que c'était effectivement sa façon de fonctionner. Le Paris du baron Haussmann est effectivement celui que décrit Pierre Lapalme à l'émission Les Belles Heures en 1988, un Paris de grands boulevards et de lignes droites. Ce que cherche Haussmann, en fait, il faut le savoir, avec ses grandes percées à travers la ville, c'est un Paris où l'on circule mieux et plus rapidement. Mais le Paris d'Haussmann est aussi beaucoup et peut-être surtout le Paris de Napoléon III. C'est amoureux de Londres, de la nature, des places et des parcs urbains. Napoléon III qui va demander à Haussmann d'assainir et d'embellir Paris. Le Paris de la fin du 19e siècle. Une ville délabrée et insalubre, mais une ville qui va bientôt connaître une révolution architecturale sans précédent grâce à Napoléon III et son préfet, le baron Haussmann. Assainir et moderniser Paris, mais aussi donner aux Parisiens le minimum vital comme l'eau courante, telle est la priorité de Napoléon III. Dès 1853, il lance le chantier. Il va durer 17 ans. Ils ont abattu 20 000 immeubles insalubres. Ils en ont recréé 30 000. Ils ont créé 300 km de voirie. Ils ont créé 600 km d'égouts. C'est un travail colossal. Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, et rien, il n'y avait rien. Mais le baron n'a pas construit que des immeubles et des rues. Il est aussi à l'origine du bois de Boulogne et du bois de Vincennes, ainsi que des squares. Pour l'anecdote, il a aussi éclairé Paris, jusqu'alors plongé dans le noir. Un des traits de génie de Napoléon III et d'Haussmann, c'est d'avoir transformé la ville telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et qui a pu accepter toute l'évolution de la technique, de la voiture, etc., à tel point qu'aujourd'hui, on peut même mettre des couloirs de vélo, des couloirs de bus et tout, et les voitures circulent encore. Le modèle haussmannien ne perdure pas seulement à Paris, il s'est exporté à travers le monde, en Autriche, en Belgique et jusqu'en Russie. Ce reportage de l'AFP en 2009 nous donne une très, très bonne idée de l'ampleur qu'auront les travaux que va confier Napoléon III au baron Haussmann dans ce Paris de la fin du 19e siècle. Pour nous en parler, je reçois l'historien Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Quelle importance a donc le baron Haussmann, Laurent Turcot, dans l'histoire de Paris? Mais pour tous ceux qui vont à Paris, on pense souvent Paris par le baron Haussmann. On regarde un immeuble, on se dit « voilà, c'est un immeuble haussmannien ». On regarde un boulevard, on dit « c'est Haussmann qui l'a fait ». Il y a même un boulevard qui s'appelle le boulevard Haussmann. Pourtant, la réalité est beaucoup plus complexe. Haussmann n'est ni un ingénieur, ni un architecte, ni un urbaniste. C'est un homme qui a une culture, certes, mais qui va faire la synthèse de tous les projets qu'il y avait eu avant lui et qui va se faire le canal par lequel tout va passer. En revanche, et vous l'avez dit en ouverture, il ne faut pas oublier la figure de Louis-Napoléon Bonaparte, celui qu'on va appeler bientôt Napoléon III, ouais. Neveu de Napoléon Ier, qui lui a cette vision de grandeur pour Paris. Donc parfois, on peine à séparer qui de Napoléon III ou de Haussmann a voulu la chose. Oui, il y a une vision très, très grande. Puis on va y revenir à ce rapport entre eux deux. On peut dire que, au fond, le préfet Haussmann réalise concrètement la vision qu'a Napoléon III pour Paris avant de parler de ses travaux, qui sont très, très importants, qui passent, on l'entendait dans l'extrait, autant des choses aussi concrètes qu'un système d'aqueduc moderne. Ce sera ça, entre autres, mais ce sera aussi l'esthétique des grandes places parisiennes, la place de l'Étoile étant peut-être le meilleur exemple. Avant de parler de ses grands travaux, un mot quand même sur le baron Haussmann. Qui est-il, Georges-Eugène Haussmann? Bien, vous l'entendez, ne serait-ce que par son nom, le baron, c'est un homme de l'élite. Attention, il va être fait baron durant le Second Empire, ce qui veut dire qu'il n'est pas de noblesse d'Ancien Régime. Il est ensuite après l'Empire, après Napoléon, et d'autant plus dans son cas, Napoléon III. Mais qui est-il? Il fréquente le lycée Condorcet à Paris, ça vous dit peut-être rien ici, mais il va avoir un petit compagnon d'armes à l'époque au lycée qu'on appelle Alfred de Musset. Oui. Puis d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils vont être enterrés au Père-Lachaise à une tombe de distance, Haussmann et de Musset. Il va être ensuite, bon, il va être élève au Conservatoire de musique de Paris. Il va être ensuite nommé dans différentes préfectures à gauche et à droite. C'est bien sûr l'idée de la restauration. Peu à peu, on veut refonder cette France. Mais c'est un homme qui, pour le dire dans des termes simples, est énervant. Il va toujours énerver ses supérieurs hiérarchiques. C'est un homme qui envoie des placets, des contestations, qui a l'espèce de règle qui doit toujours primer sur tout. tout. Ouais. Mais c'est un homme qui a une force, une volonté. Et on dit souvent que la chose dont il n'arrête pas de parler, c'est de lui-même. Tellement il est sûr qu'il va renverser les données du pouvoir, ouais, mais les données aussi de l'architecture qui s'en vient. Mais parcours assez classique du grand fonctionnaire. On peut dire ça comme ça, du haut fonctionnaire. C'est ça, Haussmann. Exactement. Les échelons. C'est le grand fonctionnaire qui va se placer et qui va jouer, bien sûr, dans les salons pour être sûr d'arriver aux plus hautes sphères du pouvoir. Ouais. Alors, le contexte, on y revient. C'était déjà un petit peu évoqué au début de l'émission. Vous en avez parlé aussi. Puis ce lien entre Napoléon III et Haussmann, qu'est-ce qui appartient à l'un, qu'est-ce qui appartient à l'autre dans ces grandes transformations que va subir Paris à la fin du 19e siècle? On écoute d'abord l'historien de l'architecture Pierre Pinon en parler à l'émission Avant-goût, diffusée à France Culture en 1991. Puis on en reparle tout de suite après, Laurent Turcot. Napoléon III est tout de même celui qui conçoit cette transformation. Il arrive à Paris avec un projet d'embellissement. Napoléon III est non seulement un philanthrope, mais un rêveur, un artiste. Et il a un projet qui consiste à opérer quelques percées dans Paris, notamment à cause d'une transformation très importante qui vient d'avoir lieu à Paris, qui est l'arrivée des gares. Et Napoléon III se dit que les nouvelles portes de Paris ne sont plus les anciennes portes aux enceintes, mais les nouvelles portes de Paris sont les gares, et qu'il faut absolument établir de nouvelles liaisons directes entre les gares et le centre de Paris. Napoléon III arrive avec ce projet, le confie à Berger, qui est le préfet à l'époque, qui un petit peu timidement lance la percée du boulevard de Strasbourg, de la rue de Rennes, de la rue de Rivoli. Mais Berger est trop timide, Berger ne fait pas l'affaire, et Napoléon III va chercher Haussmann. Et Haussmann sera l'exécutant dont rêvait probablement Napoléon III. Alors, dans quel contexte Napoléon III confie-t-il finalement à Haussmann, Laurent Turcot, ce mandat d'embellir et d'assainir Paris, pour reprendre les mots qu'il va utiliser, Napoléon III? Alors, Napoléon III, il faut rappeler quand même qu'il est là depuis 1848 comme prince-président de la République. Et il va faire un coup d'État en 1852. Coup d'État quand même assez sanglant, presque autant, peut-être pas autant, mais presque, que celui de Napoléon Ier, le 8 Brumaire. Mais qu'est-ce qui se passe avec Napoléon Bonaparte, bientôt Napoléon III? Bien, il veut faire de Paris cette grande capitale, et il se rend compte à quel point elle est pétrifiée dans des strates qui datent du Moyen-Âge, ouais, du 16e, du 18e, et que toutes ces strates empêchent de moderniser la ville. Et pas lui, très belle. Il a vécu à Londres. Il a été exilé à Londres pendant plusieurs années, en fait de 1846 à 1848, année où il va devenir prince-président de la République française. Et là, il se dit, ben moi j'ai vécu à Londres, et Londres a été complètement réformée. Ouais. Premièrement, par le grand feu de 1666, où les deux tiers de la ville de Londres sont passés, bien sûr, par le feu, donc on a reconstruit, mais plus encore par la révolution industrielle. On ouvre, on assainit, on pave, on fait des égouts. On est dans une ville moderne à Londres. Oui. Et est-il besoin de le rappeler que dès la fin du 18e siècle, Londres, c'est 1 million d'habitants. Alors qu'à Paris, quand Louis-Napoléon Bonaparte arrive, ben, elle est à 1 million d'habitants. Donc déjà, à 50 ans de distance, Paris a autant d'habitants que Londres il y a 50 ans. Donc, ouais, il se dit, il est temps de lancer Paris dans tout ça. Et il y a une nouveauté assez fondamentale. On l'a entendu dans l'extrait, les gares. Oui. Louis-Napoléon pense que bientôt les rues ne serviront plus à rien, que tout va se faire par train. Donc, il faut percer Paris, ouais, pour amener les gares dans le cœur de la ville. C'est les nouvelles portes, hein. C'est un peu ça qu'il va dire. Les nouvelles portes de Paris, ce sont les gares. Poursuivons là-dessus, parce qu'au fond, on parle beaucoup, beaucoup d'Haussmann quand on parle de ce Paris qu'on voit aujourd'hui. Mais la question de fond, c'est qu'est-ce qui appartient à Haussmann dans ce Paris qu'on voit aujourd'hui, et qu'est-ce qui appartient à cette vision que vous décriviez à Napoléon III? Bien, il n'est pas le seul, Louis-Napoléon Bonaparte. Napoléon III, il va faire la synthèse, et Haussmann, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Il y a eu des projets, ce qu'on appelait les projets d'embellissement de la ville, qui datent du 18e siècle. On pourrait même remonter jusqu'à Henri IV avec le Pont-Neuf. Mais il va quand même avoir un premier grand coup qui va être lancé dans les années 1830 par Rambuteau, le préfet de la Seine, justement, qui lui se dit « il est temps d'assainir Paris ». Mais il n'aura pas la force, il n'aura pas la capacité qu'Haussmann va avoir. Pourquoi? Parce que Napoléon III est en train de fonder un régime autoritaire, l'Empire, le Second Empire. Il a donc les sphères du pouvoir qui lui permettent d'exercer sa volonté comme il le veut. Et on entendait tout à l'heure dans l'extrait Berger, qui était le préfet de la Seine, qui avait été nommé dans un premier temps, lui, c'est un homme timide. Et il fallait cette force, cette, ouais, force de caractère que Haussmann va avoir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va auditionner certains des grands préfets de France, et à cette époque-là, Haussmann est le préfet de la Gironde, donc de Bordeaux, grossièrement, et on le fait venir à Paris, et là, on va être complètement sous le choc. On va se dire, voilà un homme qui a cette capacité. Il n'est pas urbaniste, il n'est pas architecte qu'importe, il va être capable de synthétiser les choses. Il faut dire que Haussmann avait une capacité de travail hallucinante, 12, 15 heures par jour. Parfois, il redessinait, travaillait, découpait, ça n'en finissait plus. Ouais. Quand il arrive, quand on lui offre finalement ce poste, de quelle ville hérite-t-il, le baron Haussmann? Il hérite d'une ville, souvent, comme on dit, c'est une ville médiévale, mais c'est plus complexe que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas un Paris médiéval, c'est un Paris dont on a essayé de réformer la physionomie urbaine depuis 200-300 ans, mais sans jamais y arriver. Vous avez le cours La Reine, qui date du 17e siècle. Vous avez le quartier du Marais, qui date du 17e également. Quand vous entrez dans le centre, pas très loin de Lutèce, vous arrivez dans un Paris médiéval avec des ruines romaines. Ouais. C'est éclectique que ce Paris. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. C'est des rues qui sont minuscules, qui débouchent sur des cul-de-sac. Ça ne circule pas. Exactement. Et on pense toujours la ville comme une forêt. On entre dans Paris comme dans une forêt. À chaque coin de rue, un coupe-gorge, un voleur. Bref, la police a de la difficulté à quadriller cet espace parce que, est-il besoin de le rappeler, que la révolution industrielle, certes, c'est l'idée d'ouvrir la ville pour le commerce, mais plus encore pour judiciariser cet urbanisme. Et Louis-Napoléon Bonaparte en est convaincu qu'en judiciarisant cet espace pour la police, ça va être plus facile d'aller chercher les coupables, de numéroter les rues, de nommer les rues. Ouais. Et tout ça, ça fait partie d'un grand projet. Et ça va donner donc un Paris qui va se transformer assez rapidement d'ailleurs. On va essayer de voir un peu ce que fera très concrètement Haussmann, peut-être en se penchant tout de suite sur l'un des exemples les plus flamboyants de son héritage. C'est Napoléon qui commande l'Arc de Triomphe pour célébrer ses victoires. L'Étoile est aujourd'hui le plus grand carrefour de la capitale, aménagé au 19e siècle par le baron Haussmann. L'architecte Itorf réalise les 12 hôtels particuliers, aux façades identiques, qui entourent l'Arc de Triomphe. La définition de la ville moderne pour le baron Haussmann se constitue autour de focales, ici l'Arc de Triomphe, et de grandes places urbaines, qui reprennent des codes anciens des places royales. Mais ici, on est sur une place carrefour, c'est-à-dire que 12 avenues débouchent sur la place de l'Étoile et ces hôtels donnent une majesté et une homogénéité à l'ensemble. Extrait de l'émission « Des racines et des ailes » diffusée en janvier 2018. La place de l'Étoile qui domine les Champs-Élysées, Laurent Turcot, c'est probablement l'un des plus beaux exemples des réalisations du baron Haussmann. Concrètement, à quoi ça va ressembler ce Paris d'Haussmann? Haussmann est obsédé par une idée, l'alignement des rues. Et les rues ne sont pas alignées à Paris. Quand vous y allez, les petites rues médiévales, elles s'arc-boutent à gauche et à droite. Elles sont tortueuses, sinueuses. Lui dit, je veux de belles percées droites, comme qu'on puisse être capable de traverser Paris du nord au sud et d'est en est. Donc, qu'est-ce que ça va être du nord au sud? Le boulevard Sébastopol. Le boulevard Sébastopol qui va permettre éventuellement de relier la gare du nord à la gare de l'est. Et ensuite, pour traverser Paris, ça va être la rue de Rivoli. Cet axe majeur, mais surtout qui est énorme. À l'époque, certaines des grandes rues pouvaient faire 15 mètres. Haussmann, lui, dans ses boulevards, 60 et même l'avenue Foch, pas très loin de l'Étoile, 120 mètres. Et là, c'est une révolution parce qu'il va enlever, ou plutôt, il va définir l'idée selon laquelle la longueur de la rue, ou plutôt la largeur de la rue, va être équivalente à la hauteur des bâtiments. Ah bon? Ce qui fait qu'il va avoir une unité architecturale, mais ça va permettre à la lumière de pénétrer dans tous les bâtiments. Vous l'avez dit, on l'a entendu tout à l'heure, les égouts, bien sûr, l'eau courante. L'eau courante, c'est hallucinant. Imaginez quand même l'importance de ces travaux-là. Il ne s'agit pas seulement de détruire et de raser et d'aligner, mais surtout de travailler dans les fondations, dans le cœur, dans le ventre de Paris pour être sûr de lui donner un visage moderne. Est-il besoin de rappeler qu'en 1852 jusqu'en 1870, il n'y a pas de véhicule automobile? Tout est hippotracté, c'est-à-dire ce sont des chevaux. Et on entendait en ouverture en disant c'est hallucinant de penser que Haussmann a défini une ville qui s'est adaptée à toutes les révolutions du transport durant les 200 prochaines années. Ouais, ces larges avenues ont permis ce qu'on peut voir aujourd'hui dans Paris. Donc les larges avenues, les grands boulevards, les gares, on en a parlé aussi, les aqueducs, les places, les squares aussi, c'est important pour lui. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il arrive de Londres. Et si vous allez à Londres, vous allez voir tous ces espèces de petits squares privatifs, c'est-à-dire qu'ils sont aux propriétaires du quartier qui l'entoure. Et lui, Haussmann, va se dire, c'est très beau les squares, mais il faut que ce soit public. Oui. Il faut qu'il y ait une végétation urbaine. Il faut que ce poumon de la ville, qu'est cette végétation urbaine, irrigue toutes les parties de la ville. Parce qu'il y a deux obsessions sur l'hygiénisme de cette époque. L'hygiénisme, c'est ce discours médical au 19e qui dit qu'il faut faire respirer la ville comme un corps. Eh bien, c'est laisser passer l'eau. On en a parler et laisser passer l'air. Donc, les maisons qui sont fermées les unes sur les autres, l'air ne passe plus, les miastomes, les exhalaisons, dangerosité pour le corps urbain, pathologie urbaine, donc laisser respirer la ville. L'analogie du corps de la ville et du corps de l'homme va de pair. Et comme la pollution, bien sûr, devient un élément fondamental dans le Paris du 19e, ben, il faut tout faire pour désengorger et aérer. Donc, des squares, des petites places, mais de grands parcs aussi. D'énormes parcs. On disait le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, ils existaient avant lui. Oui, en effet, les buts de Chaumont aussi. Ça, c'est une création complète, mais ce n'est pas lui comme tel, parce qu'on aurait tort de penser que Haussmann a tout fait. Un de ceux qui va définir l'architecture végétale à Paris, c'est Adolphe Alphand, qui d'ailleurs va écrire énormément sur le sujet qui a laissé la presque totalité des ordonnances qui avaient été émises de l'époque de Louis XIV jusqu'au Second Empire, ce qui fait que pour les historiens, c'est une mine ahurissante de documents. Mais Adolphe Alphand, qui lui, va décliner tout un ensemble de parcs au nord, au sud. Ça va être le parc Montsouris pour le sud, les Buttes de Chaumont pour le nord. Et si vous regardez cette architecture végétale, c'est une architecture londonienne. Oui. C'est des jardins à l'anglaise. Oui. On s'oppose complètement au jardin des Tuileries avec ses broderies ou avec cette allée centrale de laquelle on ne peut pas déroger, selon laquelle, quand on dit on va sur les pelouses du jardin des Tuileries, c'est toujours écrit pelouse au repos, ce n'est pas fait pour être utilisé. Alors qu'au Buttes de Chaumont, au parc Montsouris, au contraire, c'est la végétation urbaine qui se donne à loisir. Et cet élément-là est déterminant. La ville devient certes un espace où on peut se reposer, mais un espace où on peut avoir du plaisir. Oui. Le règne du baron Haussmann va se terminer en 1870. Ce qui est fascinant, vous avez évoqué le Second Empire. Le règne de Haussmann correspond presque parfaitement au règne à la durée du Second Empire. Ça veut dire certaines choses. Ça veut dire que c'est une vision. C'est un régime dur, vous l'avez évoqué, un régime autoritaire. C'est une certaine vision de Paris, de ce que doit être ce grand Paris, le grand Paris d'Haussmann. Et ça va faire des laissés pour compte. On en parle dans un instant, tout de suite après cet extrait de l'émission « Comment Haussmann a transformé Paris ». Vous allez y entendre l'historien Nicolas Chaudun dans ce documentaire donc, qui a été diffusé sur la chaîne française Histoire en 2011. C'est qu'effectivement, en dépit des innombrables immeubles reconstruits sous la magistrature haussmannienne, on constate la quasi-absence de programmes ouvriers. En fait, l'habitat social n'est pas une préoccupation du baron Haussmann. Haussmann n'en a que faire. Il s'en fiche. Haussmann construit une ville pour l'éternité. Il veut qu'elle fonctionne comme un instrument bien huilé. Et quand vient l'exposition de 1867, espèce de chant du cygne du règne, comme ça, se pose la question de l'habitat social, parce que la contestation monte, parce qu'il y a plus en plus de gens qui trouvent que précisément la ville qu'on construit à la place de la Bauge ancestrale est une ville qui n'est pas faite pour le plus grand nombre, qui n'est pas faite pour les Parisiens. On commence à trouver ces chantiers interminables, on n'en voit plus le profit qu'on peut en tirer. Et des voix s'élèvent parmi les députés de l'opposition, parmi les intellectuels, parmi les penseurs, parmi tous ceux que je vous citais tout à l'heure, des voix s'élèvent qui veulent que Paris enfin soit construite pour les Parisiens. Les travaux du baron Haussmann à Paris vont avoir un coût important, on l'entendait, coût financier, économique, coût humain aussi. Laurent Turcot, et assez vite, certains parlementaires, je pense à Jules Ferry, je pense à Ernest Picard, ne vont pas se priver de critiquer Haussmann. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément? La première chose qu'on lui reproche, si vous voulez bien le comprendre, il faut lire le roman « La curée » d'Émile Zola. C'est la spéculation, la prévarication. On reproche au baron Haussmann de s'en mettre plein les poches. Et pourtant, après sa chute en 1870, il va vivre encore une vingtaine d'années et il va mourir dans une espèce de vide monétaire complet. Il n'aura plus d'argent, il n'a plus rien, il ne s'est pas enrichi, ça on le sait. Mais il y a beaucoup... des promoteurs qui se sont enrichis en La manière dont ça se passe, c'est qu'on vend des parcelles de terrain aux promoteurs et on leur donne un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, ils doivent respecter certaines lignes. Certains le font, certains ne le font pas. Mais ce qu'on va voir, c'est la monumentalisation de certains immeubles haussmanniens. Le balcon deuxième étage qui fuit comme ça, le corps de logis juste en haut ensuite, le commerce tout en bas. C'est la logique de ce qu'on appelle le style éclectique qui va prendre plus tard le nom de style haussmannien. Mais ils seront plusieurs à le critiquer parce que imaginez quand même, ben je dis imaginez, mais c'est facile quand on regarde Montréal aujourd'hui de voir à quel point toute la ville est en rénovation. Mmh. Vous ne pouvez plus marcher dans la ville comme on y marchait il y a une vingtaine d'années. On dit que les pavés nous tombent sur la tête de partout. Ouais. Il y a 80 000 ouvriers, autant de chevaux. on ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas la fin de tout et on se dit, bon, ben, ça se termine en 1870. Pas du tout. Même après la chute d'Haussmann en 1870 et quelques mois plus tard, la chute du Second Empire avec la guerre franco-prussienne, le Bismarck arrive du côté prussien, ben, les travaux de Paris vont se poursuivre jusqu'en 1914. On ne dérogera pas de la vision d'Haussmann. Certains vont dire, ah, c'est pour prouver à quel point c'était bien, il avait bien vu dans le futur. Non, tout simplement, c'est que les suiveurs, comme Adolphe Alphand, dont j'ai parlé tout à l'heure, vont être maintenus au pouvoir. Donc, logiquement, l'idée d'Haussmann va être poussée à bout. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça va poursuivre encore parce que c'était tellement bien adapté au transport. Mais pourquoi, lui, finit-il par être lâché, même si cette vision se poursuit? Qu'est-ce qui fait que Napoléon III finit par le lâcher, le désavouer et lui dire c'est terminé? Bien, c'est très simple. C'est une histoire de, on pourrait dire, d'égo. C'est que, premièrement, les Parisiens le détestent. En plus, quand il y a des plébiscites à Paris pour tester un peu la capacité de l'empereur d'être aimé ou non, on voit très vite que les Parisiens ne veulent pas de l'empereur parce qu'on se dit c'est dégueulasse ce qu'on fait dans notre ville. Premier élément. Deuxième élément, quand on voit qu'il y a de la contestation interne, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, donc, va nommer un nouveau premier ministre dans les années 70 et va dire, écoutez, c'est très simple, si vous me nommez, ça va bien, mais Haussmann dégage. Ouais. Et il va avoir ici le choix de Sophie, pourrait-on dire, et il va carrément lâcher Haussmann en lui disant, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas contre vous. Et le reste de la vie d'Haussmann va être dédié à la rédaction de ses mémoires, où, avouons-le, il va trafiquer un peu l'histoire pour raconter à quel point c'était un grand homme. Avec le recul, Laurent Turcot, ce Paris transformé par Haussmann, beaucoup le Paris qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'a gagné Paris avec Haussmann et qu'a perdu, parce qu'elle est nostalgique, Paris, avec Haussmann? Ben oui, plusieurs historiens à l'époque vont commencer à rapporter le Paris insolite en disant « on est en train de détruire Paris ». Le Paris de Jacques Coeur, le Paris de tous ces grands qui ont formé l'époque médiévale jusqu'à l'époque moderne n'existera plus avec Haussmann. Donc, il faut absolument laisser des legs, rapporter. Donc, il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire non, on est en train de fonder la nouveauté de ce qui va être le modèle, non seulement parisien, mais français. Et plus tard, on l'entendait en ouverture, jusqu'à Vienne, le modèle haussmannien des grands boulevards, de ces axes, de cette place rayonnante, ça va essaimer partout dans le monde. Et encore aujourd'hui, c'est aussi connu, l'immeuble haussmannien, que la Tour Eiffel, qui a été faite quelques années plus tard, quand même. Donc, la fin du 19e siècle, il faut quand même se replacer dans le contexte. On est dans la grande littérature en plus. Zola, Hugo, tous ces gens qui vont donner, en plus, vous rajoutez les poètes avec Baudelaire, Mallarmé, et en plus avec Haussmann, la Tour Eiffel, la fin du 19e siècle, c'est le siècle où la France donne une vision du monde. Est-ce qu'elle est contestable? Ben là, on va le laisser aux auditeurs. Ouais. C'est l'identité de Paris et de la France aussi qui s'écrit à ce moment-là, celle qui est toujours sous nos yeux finalement. Exactement. Ouais. Et celle qui, bien sûr, va être transformée dans les années folles, mais ça, c'est une autre histoire. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, habitué de l'émission. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.